إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc hier, ولله الحمد, on a terminé l'explication du livre أحكام مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. Et pour compléter cette série qui concerne la jurisprudence du Hajj, nous allons apporter un ajout qui est très important et qui concerne les innovations qui sont faites durant le pèlerinage. Sachant que durant le livre, on a vu plusieurs innovations que le Shir a citées dans son livre et mis en garde. Donc, cet ajout, ce supplément, il est pour citer un nombre d'innovations qui sont faites par beaucoup de musulmans, malheureusement, et qui n'ont pas été citées explicitement par le Shir dans son livre. Donc c'est pour compléter le sujet. Et ceci est pris à la base de la Risala du Shir Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, d'après son livre Manasik al-Hajj wal-Umrah, fil kitab wa sunnati wa athari salaf. Et donc il a consacré le Shir à la fin de cette Risala un chapitre qui traite de toutes les innovations que l'on retrouve durant le pèlerinage. Donc elles sont nombreuses et le Shir les a ordonnées suivant les différentes étapes du Hajj. On ne va pas toutes les citer car il y en a beaucoup et beaucoup ont été citées par le Shir de l'Islam durant son livre. Donc on va prendre, bien entendu, celles qui n'ont pas été citées, celles qu'on trouve le plus fréquemment. Dans un premier temps, le Shir, il fait une introduction à ce chapitre qui est important, et dont on va en citer le résumé, Inch'Allah. Le Shir va citer le danger de l'innovation. Et il nous rappelle cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Kulla bid'atin dalala » c'est-à-dire que toute innovation est un égarement. Toute innovation. Kulla bid'atin. Ici, bid'a nakira. Ici, bid'a nakira. C'est-à-dire ici, qu'elle est indéfinie, il a indéfini le terme bid'a. Kulla bid'atin dalala. C'est-à-dire que toutes les innovations, sans exception, tant que c'est attesté que c'est une innovation dans la religion, alors c'est une innovation. Il n'y a pas donc d'innovation en religion qui est dite hasana et d'autres qui est dite seyya, c'est-à-dire une qui va être bonne et d'autres qui vont être mauvaises. Toute innovation, kullu bid'atin, kulla bid'atin dalala, il nous a dit le prophète sallam, toutes les innovations sont égarements, dalala, wa kulla dalalatin fi nar, chaque égarement donc mène au feu. Et ce hadith également qui est rapporté par l'imam al-Tabarani والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة إكي حديث أوتنتيك حسنه المنذري الإمام المنذري a dit que c'était un hadith qui était حسن et qui était authentifié également par Cheikh Al-Albani رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة qui est le hadith numéro 1620 où le prophète sallam يقول إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع bid'atahu, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas le repentir, que ce repentir est comme bloqué, c'est-à-dire qu'il n'ira pas à Allah Azza wa Jal, qu'il ira entre Allah Azza wa Jal et ce repentir, une barrière. Le repentir de qui? An kulli sahibin bid'atin, an kulli sahibi bid'atin. Le repentir de toute personne qui est l'auteur d'innovation, qui est l'auteur d'innovation. hatta yada'a bida'atahu. C'est-à-dire que cette tawba, elle sera refusée, ne sera pas acceptée tant que celui qui détient ou celui qui est l'auteur de cette bid'a ne délaisse cette bid'a. Au moment où il va délaisser cette bid'a, alors le repentir enfin lui sera accepté. Et la barrière sera levée entre se repentir et Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle également le shir, une des paroles d'un grand savant de l'islam, ou shir Hassan ibn Ali al-Barbahari, qui faisait partie des savants du madhab de l'imam Ahmed, ou min ashab al-imam Ahmed, rahimahullah, qui est mort en l'an 329. Il dit, wahdhar min sigar al-muhdathat, prends garde des petites innovations. Fa'inna sigar al-bida' ta'oudu hatta tasira kibaran. C'est-à-dire que ces petites innovations, une fois qu'on les fait et qu'on s'y habitue, alors elles deviennent grandes. Hatta tasira kibaran. Wa kadhalika kulla bid'atin uhdithat fi hadhi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqq. Fakhtarra bidhalika min dakhala. فاختر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطيع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. Il nous dit le shir, de même au départ, au début, dans les premiers temps de cette communauté, chaque bid'a qui a été innovée, ses premières innovations, elles étaient au départ petites, minuscules. Elle ressemblait à la vérité, comme si elle ressemblait à la vérité. Yushbiul haq. Alors ceux qui y sont rentrés dans ces innovations, qui ont été bernés par ces innovations, une fois qu'ils y sont rentrés dedans, ils n'ont pas pu en ressortir. Car la bid'a, lorsqu'elle rentre dans le cœur de l'homme, et qu'il s'y habitue, et qu'ensuite il la prend comme religion, bien souvent, il est très dur qu'il en ressorte. Ayadam billah. C'est pour ça donc que la bid'a, même si elle est minuscule, même si elle paraît aux yeux de la personne minuscule, elle est en réalité énorme et ses conséquences sont désastreuses. Fa'avumat. Alors elles sont devenues immenses. Elles sont devenues une religion par lesquelles les gens se rapprochent d'Allah Azzawajal. Donc ils ont pris cela comme une religion. Fanzur, rahimakallah. C'est-à-dire donc, regarde bien de qui tu prends la parole parmi les gens de ton époque spécialement. Et ne te précipite pas. Et ne rentre pas donc dans une chose sans que tu demandes et que tu observes, que tu regardes. هل تكلم في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. Est-ce que ce point de religion, cette chose, cette adoration ou autre, est-ce qu'un des compagnons en a parlé? Est-ce qu'un des savants en a parlé? فَإِنْ أَصَبْتَ أَثَرًا عَنْهُمْ فَتَمَسَّكَ بِهِ. C'est-à-dire donc, si tu as trouvé un athar de ces sahabas, alors prends-le, accroche-toi à lui, car c'est un athar, c'est donc une preuve pour toi. وَلَا تُجَاوِزُوا لِشَيْءٍ. Et ne dépasse pas cela, ne fais pas autre chose que cela, ne va pas au-delà de cela. وَلَا تَخْتَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا. Et ne choisis pas autre chose que cela. فَتَسْقُطُ فِي النَّارِ. Tu tomberais donc dans le feu. عَيَادًا بِاللَّهِ. Le shir, rahimahullah, shir al-Albani, rahmatullah alayhi, va nous rappeler que les causes de ces innovations reviennent à quatre points essentiellement. La première, ce sont des أحاديثٌ ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. La première cause, ce sont des hadiths qui sont faibles et qui ont été pris comme preuve, alors qu'on n'a pas le droit d'argumenter à base d'un hadith qui est considéré comme faible et qu'on n'a pas le droit de l'attribuer au prophète صلى الله عليه وسلم. La deuxième cause, ثاني أحاديث موضوعة أو لا أصل لها. C'est-à-dire, la deuxième cause, ce sont des hadiths qui sont inventés, mawdu'a, qui n'ont même pas de base dans nos religions. ils sont encore pires donc que la première catégorie, que la première cause. Et qui malheureusement ont été pris par certains jurisconsultes qui n'ont pas eu la science que ces hadiths étaient mawdu'a, qui n'avaient pas de base dans la religion, et qui ont ensuite établi des règles à partir de ces hadiths. Le troisième, thalith ijtihadat ou istihsanat sadarat min ba'd al-fuqaha khasatan al-muta'akhirin minhum lam yad'amuha bi ayy dalil shar'i. C'est-à-dire donc certains ijtihad, des efforts d'interprétation qu'ont fait certains jurisconsultes ou istihsanat, des choses qu'ils ont vues qui étaient bonnes, et plus particulièrement de ceux qui sont venus bien après, bien plus tard, et qui n'ont pas été appuyés par des preuves. Al-Rabi' qui est le quatrième, la quatrième cause, عادات وخرافات لا يدل عليه شرع ولا يشهد لها عقل. C'est-à-dire donc des habitudes et des innovations qui sont faites par des gens, par des ignorants, qui n'ont bien entendu aucun fondement dans la religion, et dont la raison ne peut en témoigner la validité. Donc ce sont adat, khurafat, donc des choses inventées, des habitudes qui n'ont aucune base dans la religion. Principalement, c'est les causes qui ont fait que ces innovations sont apparues dans la religion, et plus particulièrement ici, durant le Hajj. Bida'u ma qabla al-ihram. Les innovations que l'on trouve avant al-ihram. Le fait de ne pas voyager durant le mois de Safar. Et le délaissement du commencement de certains actes, comme par exemple la nikah, comme le mariage, etc. Donc al-imsak wa al-safar fi shahr al-safar. Ça, c'est une innovation. Que la personne ne voyage pas durant le mois de Safar. Car il n'y a aucune preuve par rapport à cela. La personne peut voyager comme bon lui semble. Salatu raka'atayn hayna al-khuruj ila al-hajj. C'est-à-dire qu'au moment où la personne, elle sort de son domicile pour partir et pour voyager, pour aller faire son hajj, il fait deux raka'a, deux unités de prière. Dans la première, il prie, qul ya ayyu al-kafirun, il récite, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ la deuxième al-ikhlas. Et ensuite il dit une dua, اللَّهُمَّ بِكَ إِنْتَشَرْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ إِلَى الْآخِرِ وَيَقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي. Il récite également آيَةَ الْكُرْسِي وَسُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. Ça, il n'y a aucune base dans la sunna de cela. الْجَهْرُ بِذِكْرِ وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَ تَشْيِيعِ الْحُجَّاجِ وَقُدُومِهِمْ. C'est-à-dire donc pour motiver les pèlerins, et au moment donc ils vont arriver, on dit à voix haute un rappel, wa takbir, on dit Allahu Akbar à voix haute. Al-adhan 'inda tawdi'ihim, au moment donc ils vont quitter leur région pour partir pour le hajj, on fait l'adhan. Ça également, ça fait partie des innovations. Également, lorsqu'on fait l'adieu au hujjaj, dans certains pays, cela se fait par la musique ou par la danse, etc. Tout ça, c'est des innovations, ayyadan billah, pour donc faire les adieux aux hujjaj qui vont partir au pèlerinage. Également, voyager sans rien apporter comme provision, litasrih da'wat tawakkul. C'est-à-dire, c'est une personne qui a la croyance qu'il ne faut rien prendre avec eux comme provision, et que c'est le réel tawakkul à Allah, sans remettre donc pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, ça revient à une croyance qui est fausse et qui a amené donc à ces innovations. Également, le fait que la femme qui n'a pas de mahram, elle prenne comme homme, un homme bien entendu qui est étranger, et elle fait comme un acte de fraternité avec elle. Mu'akharatul mar'a lirrajul ajnabi liyasira bizarmiha muhriman ou mahraman arfwanam liyasira bizarmiha mahraman laha thumma tu'amilu kama tu'amil maharimaha. Donc ensuite, elle le prend comme si c'était son mahram. Ayadan billah. Alors que c'est un homme qui est ajnabi et qui est étranger et qui ne peut être considéré comme un mahram pour cette femme. Également, le voyage de la femme avec un groupe de femmes qui sont dites thiqat, qui sont de ligne de confiance. Ou alors voyager avec une d'entre elles qui a elle un mahram. Tout cela, bien entendu, ce n'est pas permis. Également parmi les innovations, salat al-musafir, rak'atan kullama nazala manzilan, wa qawlu Allahumma anzilni manzalan, manzilan mubarakan, wa anta khairul munzilin. Également donc la prière, qu'à chaque fois la personne, donc la personne qui voyage jusqu'au hajj, donc certaines personnes voyagent et vont donc se reposer dans des maisons, dans des hôtels, etc. durant leur voyage, à chaque fois qu'ils vont dans un abri, dans une maison, etc., dans un hôtel, ils font deux rak'ah. Ils disent cette doua, Allahumma anzilni manzalan, mubaraka, ila akhir. Ensuite, les innovations durant l'ihram, wa talbiya, et d'autres encore. Parmi ces innovations, al-ittiba' 'inda al-ihram, c'est-à-dire, donc, comme on a vu, le fait de mettre le haut de l'ihram, donc de l'habit, le faire passer sous le bras droit, ce que l'on fait en réalité durant le tawaf, ce qui est uniquement permis et qui est la sunna, c'est ce que l'on fait durant le tawaf, comme on l'a expliqué, et qu'on appelle ça al-ittiba' bil-'ayn, al-ittiba' bil-dad wal-'ayn. Ça, on l'a déjà expliqué. Et donc, des gens qui le font en dehors du tawaf, qui le font même au moment où ils passent l'ihram, et qui le font également durant le sa'i, bien as-safa wal marwa. Tout ça, ça fait partie des innovations. Car ce n'est pas légiféré. Ce qui est légiféré, c'est uniquement durant le tawaf, rien d'autre. Également, parmi les innovations, la personne qui fait le pèlerinage en ne parlant pas. La yatakallam. C'est-à-dire, yaltazim bis-sukut, bis-samt. C'est-à-dire donc, toujours, il garde le silence, il ne parle pas. Également, ça, c'est une innovation. At-talbiyatu jama'a fi sautin wahid. Également, faire at-talbiya avec un groupe de personnes en une seule voix. Donc, tout le monde récite at-talbiya en une seule voix. Jama'atan. Ça également, ça rentre dans les innovations. Ensuite, le shérif a cité beaucoup d'innovations qu'on a vues durant le livre. Ensuite, bidar at-tawaf. Les innovations durant le tawaf. Raf al-yadain inda istilam al-hajar, kama yarfa'u lis-salah. Parmi les innovations, lorsque la personne, elle touche al-hajar al-aswad, la pierre noire, elle lève ses mains au ciel, comme elle le fait durant la prière. Kama yarfa'u lis-salah. Du takbir, au moment qu'on se relève, du ruku', etc. Al-muzahamatu ala taqbilihi, wa musabaqatu al-imam bit-taslim fi salat al-taqbilihi. Donc également, ça, certainement qu'on l'a vu, c'est-à-dire lorsque les personnes se bousculent pour pouvoir embrasser la pierre noire. Et même lorsqu'il précède l'imam au moment du taslim pour aller l'embrasser. Riyadan billah. Également parmi les innovations, cette dua que certains disent au moment où ils touchent la pierre noire. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik. Ya mon Seigneur, de par la foi en toi et de par donc ce que j'ai rendu vrai, ou alors ce que j'ai cru d'après ton livre Bikitabik, ou en ton livre. Également, cette autre doua, Allahumma inni a'udhu bika min al-kibr wal-faqa wa maratib al-khizi fi dunya wal-akhirah. Également encore une doua que l'on dit au moment de istilam al-hajar, au moment où on touche la pierre noire, et qui est en réalité une innovation qui repose sur rien du tout. Allahumma inni a'udhu bika min al-kibr wal-faqa. C'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal la protection contre al-kibr, l'orgueil, et également les différentes étape du châtiment dans cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Également, cette innovation qui est ici encore une invocation lorsqu'on est en face de la porte de la Kaaba. Allahumma innal bayta baytak wa innal bayta baytuk wal haramu haramuk wal amnu amnuk, etc. Donc cette doua également qui est une innovation. Le fait de dire, ô mon Seigneur, cette maison c'est ta maison, ce lieu sacré c'est ton lieu sacré, etc. Également, parmi les innovations, cette invocation que l'on dit au moment où on passe vers Rukn al-Iraqi, Rukn irakien. Donc on a vu quel était ce Rukna, on se rappelle durant les cours. Cette doua, Allahumma inni a'udhu bika min ash-shakki wa shirk wa shiqaq wa nifaq wa su al-akhlaq wa su al-munqalibi wa su al-munqalibi fil mali wal ahli wal walad. Donc également cette doua qui est une innovation, le fait de demander à ce moment-là protection à Allah Azza wa Jal contre le doute, contre le polythéisme, contre l'hypocrisie, etc. Ad-du'a taht al-mizab. Donc on sait que la maison sacrée, il y a comme une gouttière, donc, pour évacuer l'eau. Et ces gens et certaines personnes, lorsqu'ils sont devant al-mizab, ce qu'on appelle donc al-mizab, ils disent cette doua, Allahumma adhillini fi dhillika yawma la dhilla illa dhilluk. Qui est également une innovation. Le fait donc de dire cette doua au Monseigneur. Donc, fais-moi ombre. Fais-moi ombre. Ou alors, mets-moi dans ton ombre. Le jour, il n'y aura pas d'ombre que la tienne. Le jour, il n'y aura d'ombre que la tienne. Etc. Également, parmi les innovations, durant le tawaf, c'est faire le tawaf durant, c'est-à-dire, qasd al-tawaf taht al-matar. C'est-à-dire qu'on veut et qu'on a l'intention et qu'on essaye de faire le tawaf à tout prix au moment où la pluie, elle tombe. C'est-à-dire celui qui fait cela, qui fait cet acte-là, il a la croyance que celui qui va faire le tawaf durant la prière, donc qui fait spécialement le tawaf durant la prière, il a la croyance que cela va lui annuler tous ses péchés, que tous ses péchés seront précédents, lui seront pardonnés. Également, parmi les innovations, ce que l'on retrouve dans certains livres de jurisprudence, que celui qui boit de l'eau de Zemzem au moment où il boit, il respire à l'intérieur de l'eau. يعني أنه يتنفس في شرب ماء زمزم. Donc à l'intérieur du verre, يتنفس, il respire et il aspire au moment où il boit donc de l'eau de Zemzem. مرات, plusieurs fois. ويرفع بصره في كل مرات وينظر إلى البيت. Et il doit regarder à chaque fois qu'il boit. Il doit lever son regard et regarder donc la maison sacrée. Tout ça, ça fait partie des innovations, où il n'y a pas de choses qui sont attestées d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, bid'a sa'i bin as-safa wal marwa. Les innovations que l'on retrouve durant le sa'i, que l'on fait entre le safa wal marwa. Donc, al-wudu li ajli al-mashi bin as-safa wal marwa. بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة. Donc ceux également parmi les gens qui ont la croyance que celui qui fait l'eau d'eau avant As-Safa wal Marwa, donc le fait de faire l'eau d'eau spécialement avant As-Safa wal Marwa, avant de faire le mashi bien As-Safa wal Marwa, de marcher entre le Safa wal Marwa, que celui qui fait cela, qui fait cette eau d'eau, alors chaque pas qu'il fera, il lui sera compté 70 000 degrés pour chaque pas. Également, as-su'ud ala safa hatta yulsaqa bil jidar. C'est-à-dire le fait également de monter jusqu'en haut de safa et de se coller, de coller son corps au mur. Ça fait partie également des innovations. Également, cette dua que l'on dit fi hubuti min as-safa. Lorsque la personne, elle descend du mont safa, cette dua, qui n'a également pas de base dans la sunna, qui est la suivante, Allahumma ista'milni bi sunnati nabiyyik wa tawaffini ala millati wa a'idni min mudilli talfitan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Donc cette dua qui n'a aucune base dans la sunna et que certaines personnes disent au moment où ils descendent du mont de Safa. C'est-à-dire donc, ô mon Seigneur, emploie-moi suivant la sunna de ton prophète et fais-moi mourir suivant ta religion et protège-moi des égarements, des épreuves, etc. Également parmi les innovations, la personne qui fait 17 allers-retours entre Safa ou Al-Marwa et qui finit par As-Safa. Également, certaines personnes font cela et c'est une innovation. Parmi les innovations également, Salat al-Raka'atayn ba'd al-Farar min al-Sa'i. La personne qui fait 2 rak'a au moment où elle a fini son Sa'i. Ça également, c'est une innovation. Il n'y a aucune prière à faire au moment où on termine son sa'i, contrairement donc au tawaf. Également, parmi les choses qui sont blâmables, c'est lorsque la personne elle continue à faire le sa'i bin as-safa wal marwa alors que la prière qad uqimat, la prière donc a commencé et donc il ne prie pas avec al-jama'a et il continue à faire le sa'i bin as-safa wal marwa. Également, parmi les innovations, qui est une invocation ici, c'est le fait de dire une doua bien précise au moment où on arrive à Mina. comme l'a rappelé l'imam al-Ghazali fil Ihya. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve par rapport à cela, aucune base dans la sunna. Et qui est cette sunna, Allah, qui est cette invocation, Allahumma hadha minna famnun 'alayya bima mananta bihi 'ala awliya'ik wa ahli ta'atik ila akhir. C'est-à-dire cette doua qui est dite. Ensuite, les bidars qui sont faits durant Arafa. Parmi les innovations qui sont faites durant Arafa, il y a la suivante. Le fait de stationner à la Jebel Arafa, au mont de Arafa, le 8e jour, durant un moment, et ceci ihtiyatan, c'est-à-dire, ou pour que la personne yahtat. Donc celle qui fait cela, elle tombe dans l'innovation. Le fait d'aller à Arafa le 8e jour, et durant un moment, durant un certain temps, de stationner à Arafa. Également, Laylatu Arafa, donc la nuit de Arafa, dire cette invocation qui se compose de 10 kalimates, 10 mots, et de les dire ces 10 mots, elf marra, 1000 fois, Subhanalladhi fis samaa'i 'arshu, Subhanalladhi fil ardi mawti'u, Subhanalladhi fil bahri sabilu ila al-akhir. Donc dire cette doua, Laylatu Arafa, c'est également une innovation. Subhanalladhi fis samaa'i 'arshu, c'est-à-dire pureté à Allah Azza wa Jal, pureté à celui dont son trône est dans les cieux, etc. Parmi les innovations également, lorsque la personne elle s'approche de Arafat et que son regard se pose sur Jebel Ar-Rahma, la montagne de Ar-Rahma, la miséricorde, il dit cette doua, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Également parmi les innovations, التهليل على عرفات 100 مرة ثم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها وعلينا معه 100 مرة. Donc également au moment où il est à Arafa, il dit La ilaha illallah 100 fois. Ensuite il récite سورة الإخلاص 100 fois. Et ensuite il prie sur le prophète 100 fois. Etc. Ça fait partie des innovations. Parmi ce qui est également blâmable, c'est lorsque la personne elle se tait durant tout Arafat. Alors au moment où elle est à Arafat, elle se tait et elle ne dit aucune doua. As-sukut ala Arafat wa tark ad-doua. Parmi également ce qui est blâmable, khutbatul imam fi Arafati khutbatan yafsilu baynahuma bi jalsatin kama fi al-jum'a. C'est-à-dire que l'imam lorsqu'il fait la khutba, s'il s'assoit entre deux khutbas, comme on le fait durant le Al-Jumu'ah, ça c'est en réalité une innovation. Ce n'est pas permis durant cette khutba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Donc, Al-Khatib, celui qui fait la khutba, il ne doit pas s'asseoir entre les deux khutbas, comme on le fait durant la khutba du Jumu'ah. Parmi les innovations également, salat al-dhuhr ou al-asr qabl al-khutba. C'est-à-dire que la personne, elle prie le dhuhr ou al-asr avant même qu'il y ait eu la khutba. Également, parmi ce qui n'est pas permis, l'adhan ou les dhuhr ou l'asr, fi arafat, qabla an yantahi al-khatib min khutbati. C'est-à-dire faire l'adhan pour le dhuhr et pour le asr, lorsqu'on est à arafat, avant même que le al-khatib, il a terminé son serment. Parmi les innovations également, at-tatawwu bayna salati dhuhr ou l'asr fi arafat. C'est-à-dire faire des prières surérogatoire entre la prière du dhuhr et la prière du asr lorsqu'on est à Arafat. Également, parmi les innovations, et qui est une croyance qui est répandue chez beaucoup de gens malheureusement, c'est ce que disent beaucoup de musulmans et qui est la parole suivante, lorsque le jour de Arafat coïncide avec Yom al-Jumu'ah, alors c'est l'équivalent de 72 hajj. Donc la personne qui fait son hajj et qui stationne à Arafat le jour, si c'est bien entendu en coïncidence avec le jour du Jumu'ah, Arafat yakun yawm al-Jumu'ah, alors c'est comme s'il avait fait 72 hajj. Également encore une innovation. Parmi les innovations également qui sont faites en dehors du hajj, mais qui correspondent à cela, c'est lorsque les gens se rassemblent, Ashiyata yawm al-Arafat, donc en soirée du jour de Arafat, fil jawamia, donc dans les grandes mosquées, ou alors dans un endroit qui est en dehors de la région, de la contrée, voire de la ville, فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطاب والأشعار يتشبهون بأهل عرفة. Donc ils font des doua, ils sont rassemblés dans les grandes mosquées la veille ou alors en soirée de la journée de Arafah, et ils font des invocations, ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala en élevant leur voix de manière très aiguë, de manière importante, et ils font des khutab, ils récitent également des poèmes dans le but de ressembler aux gens de Arafah qui eux stationnent à Arafah. Également, ça fait partie des innovations dans la religion. Ensuite, bid'a'ul Muzdalifa. Lorsqu'on se trouve à Muzdalifa, il y a également des innovations qui sont faites. Parmi ces innovations, c'est préférer que la personne al-Rakib, que la personne qui est sur sa monture, en voiture ou autre, qu'il descende donc de sa monture et qu'il marche au moment où il rentre dans Muzdalifa. Et ça, dans un but de respect. Ça, c'est une innovation. Également, s'accrocher à cette invocation, lorsque la personne arrive à Muzdalifa, Allahumma inna hadha Muzdalifa, jama'ta fiha al-sinatan mukhtalifa, nas'aluka hawa'ij mu'tanafa, ila al-akhir ma fil ihya. C'est-à-dire cette invocation qui est rapportée dans le livre de Al-Ihya, Ihya ulumuddin, l'imam Al-Ghazali, et qui est en réalité une innovation, car il n'y a aucune preuve par rapport à cela. Le fait de dire cette doua au moment où on arrive à Muzdalifa, Allahumma inna hadhi Muzdalifa, ô mon Seigneur, ceci est Muzdalifa, tu y as rassemblé plusieurs langues différentes, etc. Parmi ce qui est blâmable également, tark al-mubadara ila salat al-maghrib fawra an-nuzul fil Muzdalifa wa al-inshighal an dhalika bil laqat al-hasa. C'est-à-dire donc, parmi ce qui est blâmable également, c'est le fait de délaisser la prière du Maghreb au moment où on arrive à Muzdalifa. C'est-à-dire la sunna, on sait, c'est que il faut prier le Maghreb au moment où on arrive à Muzdalifa. Donc les personnes délaissent la prière du Maghreb au moment où ils arrivent à Muzdalifa, et ils vont chercher les pierres qu'ils vont jeter pour Jamrat al-Aqaba. Parmi les innovations également, Salat al-Sunnat al-Maghrib bayna salatayn ou jam'uha ila sunnat al-Isha ou al-Witr ba'd al-Faridatayn comme yaqul al-Ghazali. Donc également, cette innovation que l'on retrouve dans le livre de al-Ghazali al-Ihya, c'est-à-dire la personne, lorsqu'elle est à Muzdalifa, elle prie la sunna, c'est-à-dire un nafila, après le maghrib, bayna salatayn, entre le maghrib et l'isha. Ou alors, elle rassemble les prières surrogatoires, celles du maghrib et celles du isha, après. Elle les rassemble avec le witr, ba'd al-faridatayn. Après donc, elle a prié le maghrib ou l'isha. Parmi également les innovations, ihya ou hadhi layla, c'est-à-dire que la personne, au lieu de se reposer, alors, elle reste éveillée. Et donc, elle fait des doigts, etc. Ihya ou Adil Layla. Maintenant, les innovations que l'on retrouve durant un rami. Parmi les innovations, Rasul Hasayat Qabl al-Rami. C'est-à-dire que la personne, elle nettoie avec de l'eau les pierres qu'elle va jeter. Également, ce qu'on dit, certains juristes consultent, et qu'il est préférable, cette parole, qu'il est préférable de dire au moment où on jette chaque pierre, de dire Bismillah, Allahu Akbar, Sadaqallah, Wa'da, ila l'akhir, ila qawli, walau kari al-kafirun. Donc cette doua, une doua spéciale qui est liée à ce moment-là. Sadaqallah, Wa'da'u, Allah Azza wa Jal a rendu vrai donc sa promesse, etc. Jusqu'à qu'ils disent Wallahu kari al-kafirun. Et même si les mécréants ont détesté cela. De même, parmi les innovations durant Rami, c'est le fait, iltizam kayfiyati mu'ayyana lirami, fa qawli ba'dihim. Ala kulli hal, ici, c'est prendre une position bien précise lorsqu'on fait rami, lorsqu'on jette les pierres. Et lorsqu'on prend les pierres, donc, on les prend d'une manière bien précise avec nos doigts. On doit les prendre avec une manière bien précise avec nos doigts. Le chéri l'a cité plusieurs façons de faire, qui ont été citées par certains, qui sont en réalité des innovations, car il n'y a aucune position bien précise apprendre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas à prendre la pierre avec une position bien précise, en mettant le pouce en dessous, etc. À la kulli hal, ça fait partie également des innovations. De même, tahdid mouqif al-rami, an yakun baynahu wa bayna al-marma khamsat adhra' fasa'idan. C'est-à-dire, prendre une position bien précise entre al-rami c'est-à-dire al-jamarat, entre al-jamarat et la personne elle-même. C'est-à-dire qu'elle doit laisser au minimum une distance bien précise entre al-jamara et entre lui-même. Taïb. Ça également, il n'y a aucune sunna dans cela. Et parmi également les innovations, rami al-jamarat bin ni'al wa ghayriha. Le fait de jeter al-jamarat avec des sandales ou autres. Parmi les innovations également, bid'a al-dhabh wal-halq. Parmi les innovations que l'on trouve durant al-dhabh wal-halq, lorsqu'on égorge et lorsqu'on se coupe les cheveux. Al-raghbatu an al-dhabh al-wajib, an dhabh al-wajib min al-hadi ila tasadduqi bi thamanihi. Yaz'amu an al-lahma yadhhabu fi al-turab li kathrati wa la yastafidu minha illa al-qalil. Donc certaines personnes, ils préfèrent donner en sadaqa l'argent qu'ils auraient donné pour acheter un mouton à égorger. Et eux, ils croient qu'en réalité, s'ils auraient égorgé un mouton, toute la viande aurait été gaspillée et que peu de personnes en auraient profité. Donc, à cause de cela, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait cette innovation, ce grand munkar, ayadan billah. Au lieu donc d'aller égorger, ce qui lui est donc obligatoire, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va en fait donner l'argent qu'il aurait donné pour acheter un mouton, il le donne en sadaqa. Également parmi les innovations, al-badu bil-halq bi-yasarin ras al-mahlouq, ras al-mahlouq. C'est-à-dire que celui qui coupe les cheveux, il commence par le côté gauche au lieu du côté droit. Ça également c'est blâmable. Et c'est contraire à la sunna. Également la parole de l'imam al-Ghazali, toujours dans le livre al-Ihya, lorsqu'il dit wa sunnatu an yastaqbil al-qiblati fil-halq. C'est-à-dire donc que la sunna, c'est de se mettre en direction de la qibla lorsqu'on coupe les cheveux. Également, ça n'a aucune base dans la religion, dans la sunna. Et également, cette dua que certains disent au moment où ils coupent les cheveux, Alhamdulillah ala ma hadana wa an'amna alayna, Allahumma hadina siyati biyadik, fataqabbal minni, etc. Donc cette dua qu'ils disent au moment où ils se font couper leurs cheveux. Louange à Allah Azzawajal, celui qui m'a guidé, ou pour ce qu'il m'a guidé, et pour ce qu'il m'a donné comme bienfait, etc. Donc cette doua. Et parmi les douas également que l'on trouve et qui sont plus générales, mutanawira, comme il dit le shir, il y en a beaucoup, on en a vu pas mal durant le livre. Parmi celles également que l'on retrouve, c'est lorsque la personne qui a fait le hajj, on l'appelle hajji. On l'appelle hajji, parce qu'on y revient donc dans son pays, lorsqu'il revient dans sa contrée, lorsqu'il revient auprès de ses proches, les gens donc l'appellent al-hajji, ya hajji, parce qu'il a fait le hajj. Ça également, ça fait partie des innovations. Certaines innovations également que l'on retrouve durant al-ziyara fil Madinat al-Nabawiya, c'est-à-dire certaines innovations que l'on retrouve au moment où l'on visite la mosquée, où l'on visite la ville prophétique. Donc on en a vu beaucoup, qui est en relation avec Al-Qabr, Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le shir donc a cité, qu'on a vu donc, nous, durant le livre. Et parmi les innovations, qui n'ont pas été citées, ou alors, qu'il est important d'insister, cette dua que certains disent au moment où ils rentrent dans Médine, et qui est la suivante, Bismillah, wa ala millati rasulillah, Rabbi adkhilni madkhala sidq wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira, etc. Donc c'est une dua qui n'a aucune base également dans la sunna, que l'on dit au moment où l'on rentre dans Médine, au nom d'Allah, suivant la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô mon Seigneur, rentre-moi dans ce qui est de sidq, etc. À la kulli hal, c'est une dua qui n'est pas valable, qui ne fait pas partie de la sunna. Également parmi les innovations, ziyaratu qabri sallallahu alayhi wa sallam qabl salat fi masjidi. C'est avant même de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne elle se précipite dans un premier temps à visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que ce soit tahiyat al-masjid, ou alors que ce soit la prière nafila, ou alors que ce soit la prière obligatoire, etc. Également, la croyance qu'ont certaines personnes lorsqu'ils restent à Médine durant 2 semaines. C'est-à-dire donc, ils s'obligent à rester à Médine durant une semaine, arfouan, durant une semaine, usbu'an, durant une semaine. Donc, ils s'obligent à rester à Médine durant une semaine, حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة, jusqu'à qu'ils puissent donc prier dans la mosquée du prophète 40 prières. Et leur croyance, c'est que celui qui a pu rester et qui s'est obligé à rester une semaine à Médine et qui a pu donc, qui a eu la capacité de prier 40 prières dans la mosquée du prophète, alors il lui a écrit bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. C'est-à-dire donc qu'il lui a écrit une bara'a, donc ce qui le rend innocent du nifaq et ce qui le rend innocent et qui l'écarte donc du feu. Bara'atun minan nar. Al-bara'a ici, qui est le fait donc d'écarter le fait qu'il soit innocent. Également parmi les innovations, ziyaratul baqi' kulli yawm wa salat fi masjid Fatima radiyallahu ta'ala anha. Parmi donc les innovations, le fait de visiter al-baqi' tous les jours et de prier également dans la mosquée de Fatima. Parmi les innovations également, takhsis yawm al-khamis li ziyarati shuhada Uhud. Le fait donc de spécifier la visite des martyrs de Uhud al-khamis, donc qui est le jeudi. Ça également, takhsis ici, le fait de spécifier cette visite à ce moment-là, c'est également une innovation. Et d'autres innovations également que le shir a cité, pour la plupart on les a vues. À la kulli hal, on termine donc cela. On termine par la citation de ces innovations sur la jurisprudence du Hajj qui a été faite à partir du livre du shir de l'islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Ahkam manasik al-Hajj wal Umrah wa ziyarat al-Masjid an-Nabawi. ونسأل الله عز وجل التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.